laisse ça me même paner. Ouais, pas de ligne, doit sourire encore, moi s'il vous plaît. Moi t'es qu'à quoi, moi bien face, moi yo t'es qu'à dis moi. A rien boire pour sous les points l'eau. Ni femme pour plaire, et quoi, moi Et là, moi, frère, on l'est en ligne qui s'y voit.